chanson pour ici, pour nous dire qu'on a refroidi. Une chanson en souvenir du temps qu'on voulait détruire. Un accord qui nous donne ce qu'on attend de l'automne, quand il n'y a plus rien à personne. Une chanson juste pour toi, juste pour me dire que oui, toi. Une chanson pour m'haïr, parce que j'ai plus rien à dire. Rien à dire cet automne, quand il serait temps qu'on frissonne, parce qu'il n'y a plus rien à personne. On voulait chanter dans la rue pour être moins perdu, puis c'est là.